Allô? Oh. Oh, it's not back off. It's probably dead in a moment. Ah oui. Quand tu dis allô, ça rentre vraiment loin. Là, présentement, là, ça rentre là, genre à 29. Puis, oui, quand je parle, là, ça monte. Quand je joue, je sais. Mais c'est comme s'il était tout le temps à côté à 15, à 20, là, tu sais. Ouais. Allô? Allô? Ouais, ça a monté dans le fond. Thank you.